Chaque jour est une bitch, tu la niques ou tu te résignes. Que du naturel, rien de chimique dans nos régimes. Armé dans la jungle, créé, protège la résine. Balèze, c'est la CI du pays, je suis d'origine. À la vue du pistolet, tes larmes vont ruisseler. Tu vas moins rigoler, quand on sent, on va le picoler. Ici y'a plus d'écoliers, on veut les clés du geôlier. On veut le cash du taulier, on veut gros chienne avec collier. Gros poisson pour te voler, remonte le fleuve en dos crawlé. 9-3 pour m'épauler, kick dans les mollets. Une pute un peu olé, deux putes olé olé. Elle mouille tout à l'idée de frôler le tireur fou isolé. J'ai oublié de soler, j'ai encore oublié désolé. Ma grande gueule musolée, choisis l'un seul dans mon solé. Dès le matin les couilles collées, on voit déjà des douilles voler. Ta chatte vient nous racoler, elle pue on l'a déjà contrôlée. Mon groupuscule est enrôlé, tu postules pour me toller. Regarde ma capsule décoller, tes testicules dégringolés. J't'éblouis derrière tes volets, tu brilles comme un feu follet. Tes dernières bougies soufflent-les, mon Uzi est sous-volé. Temps additionnel, grosse reprise de volet. Plat traditionnel, loco free une dolée. Sur tes lèvres reste du sperme de Sarah collé. Attends faut que ça sèche, l'espère ça va coller. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'échauffe. En faire des tonnes ou faire sortir le clone, hey. Pour quelques grammes, quelques kilos, hey. Coke, crack, 2-7-0. Tu reconnais mon signe, double poney, ring. Silicone, string, on la baise, y'a même pas d'intrigue. J'suis français par le crime, le doigt sur la sonnette ring. Le broliquet dans le spleen, te refroidis comme la clim. Le plan de travail est clean, même pas une poussière infime. Grâce au tu te fais des films, sale comme ta toilette intime. Le singe vit dans des ruines, j'suis le cauchemar de ta ruine. Essuie tes larmes, reste digne, déjà tu vas crever dans un slim. J'me rapproche de la cime, j'me rapproche de l'abîme. J'ai le barreau et la lime, billet vert comme la ligne. Front kick à chaque crime, bim, bim. Écoute le son de mon dream, bling, bling. Sachet de bœuf dans le jean, contrôle de chicken wings. Ont tous les yeux bleus comme Marine, j'leur jette la carte grise et la rine. 4 step protéines, puissance de Wolverine. Sky sec codéine, c'est pas mes srines, c'est mes rines. Temps additionnel, grosse reprise de volet. Plat traditionnel, loco free une dolée. Sur tes lèvres reste du sperme de Sarah collé. Attends faut que ça sèche, laisse faire ça va coller. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'échauffe. En faire des tonnes ou faire sortir le clone, hey. Pour quelques grammes, quelques kilos, hey. Coke, crack, 2-7-0. 2-7-0 au poteau. K-double-A, a.k.a. Talsad. RGT, Bison, Mikey.